إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وعليكم السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc aujourd'hui on commence le cours 86 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid, le charh de Kitab al-Tawhid par le Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on commence aujourd'hui le chapitre numéro 30 dans le livre. Et le titre de ce chapitre c'est Babun ma ja'a fil istisqa bil anwa. Ma ja'a fil istisqa bil anwa. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été mentionné au sujet de ceux qui croient que les étoiles sont à l'origine de la pluie qui tombe. Hein, ceux qui croient que c'est les étoiles qui font tomber la pluie. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il mentionne le premier verset qu'il a mentionné comme référence dans ce chapitre. Qawlullahi ta'ala dans surat al-Waqi'ah, وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Si vous regardez la traduction de ce verset dans la traduction qui est de Médine, la traduction de Médine de l'Arabie Saoudite, c'est le verset 82, et la traduction qui est mentionnée ici c'est وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Et est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Donc ça c'est la façon dont ça a été traduit, mais il y a eu plusieurs interprétations des salaf à sujet de ce verset-là. Donc c'est pas nécessairement, c'est une traduction qui est bonne, qui se réfère à un tafsir du verset. Toutefois, il y a d'autres tafsirs au sujet de ce verset-là, puis on va le voir au cours de l'explication du verset plus tard, Inch'Allah. Donc, on va expliquer tout de suite, on va commencer tout de suite. Le Cheikh Ibn Qala, le Cheikh Rahimahullah, Babun al-Istisqa'u bil-Anwa, ay talabu al-Suqya bil-Nujum. Ay talabu al-Suqya bil-Nujum. ما حكمه وما دليله؟ وهذا الباب يعتبر نوعا من أنواع الباب الذي قبله، وهو باب ما جاء في التنجيم. فالباب الأول عام في كل ما يعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل من استسقاء وغيره، وهذا الباب خاص بمسألة واحدة وهي الاستسقاء بالنجوم. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Saleh al-Fawzan, il dit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, c'est le chapitre au sujet de ceux qui demandent la pluie aux étoiles, ou qui cherchent la pluie des étoiles. Et donc, qu'est-ce que c'est le verdict de l'islam à ce sujet, et c'est quoi l'épreuve de ce verdict-là au sujet de cette question? Le Cheikh il dit, ce chapitre est considéré comme une catégorie par rapport au chapitre qui a précédé. Parce que dans le chapitre précédent, on a parlé de qu'est-ce qui avait rapport aux étoiles, de qu'est-ce qui avait rapport avec l'astrologie. Et maintenant, on parle de quelque chose d'autre qui a rapport avec les étoiles, c'est-à-dire le fait de chercher يعني la pluie, de demander la pluie des étoiles. Donc le cheikh il dit que le chapitre précédent il était plus général, c'est-à-dire il parlait de tout ce qui avait rapport avec tout ce qui avait rapport à la croyance en les étoiles, en quelque chose qui a rapport avec la croyance aux étoiles. Qu'est-ce qui a rapport avec le kufr dans ce, à ce sujet-là, ou l'égarement, ou le, la fausseté. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tandis que ce chapitre, wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça va, Ismaïl? Mashallah, tu maigris à vue d'œil. Mashallah. Mais il était costaud, mashallah, là, il commence à devenir plus petit, là. Là, il faut qu'il, il faut perdre un peu de gras, mais garder la masse. Hein, Ismaïl? Barakallahu fik. Non. Il y a du coussin en dessous. Non. Donc le cheikh il dit donc maintenant on va parler d'un sujet qui est plus spécifique et d'une question plus particulière, c'est qu'est-ce qui a rapport avec le fait de croire que les étoiles sont à l'origine de la pluie qui tombe. Et le cheikh il dit قوله باب ما جاء أي من الوعيد في الكتاب والسنة وبيان ذلك أن ذلك كفر من الوعيد ما جاء من الوعيد في الكتاب والسنة وبيان أن ذلك كفر بالله تعالى لأنه اعتقاد في غير الله في أنه يخلق أو يرزق أو يدبر شيئا من هذا الكون وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المتصرف المدبر لهذا الكون وليس له شريك وكل هذه المخلوقات كلها مدبرة بأمره سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. Donc le cheikh explique ici que qu'est-ce qui a été rapporté des menaces dans le Coran, enfin, du Coran et de la Sunna au sujet de, du fait de croire que la pluie tombe à cause des étoiles. Et d'expliquer que ça c'est kufr, c'est-à-dire c'est une forme de rejet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça consiste, ou ça signifie que tu crois qu'autre que Allah subhanahu wa ta'ala peut créer ou peut donner la subsistance ou peut avoir un contrôle sur cet univers. Et donc ça c'est kufr, c'est de rejeter la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui a le contrôle dans tout ce qui se passe dans l'univers, et c'est lui qui se charge de tout, donc il n'a pas de partenaire dans la création, il n'a pas de partenaire dans l'univers, dans le fait de gérer cet univers, il n'a pas de partenaire là-dedans, hein. Tout lui appartient et c'est lui seul qui s'occupe de tout dans l'univers. Et donc le cheikh il dit que toutes ces créatures-là sont commandées et contrôlées par son commandement à lui et son ordre à lui subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 54 dans Sourate Al-A'raf, certes votre Seigneur, votre Créateur est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis qui s'est élevé au-dessus du trône, il couvre la nuit par le jour, donc, ou bien il couvre la nuit par le jour et le jour par la nuit, et ils se succèdent et ils se suivent l'un après l'autre, c'est-à-dire quand la nuit est finie, le jour commence, et ça se passe rapidement. يطلبه حثيثا اي سريعا, c'est-à-dire rapidement. Et الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره, Allah subhanahu wa ta'ala il a assujetti le soleil, la lune et les étoiles à son commandement et à son ordre, certes c'est à lui qu'appartient, n'est-ce pas à lui qu'appartient la création et l'ordre, donc le cheikh dit ana lahu al-khalq الذي هو التدبير والإيجاد والتصرف والأمر هو الشرع الذي هو الشرع فكما أنه الخالق فهو الذي يشرع سبحانه وتعالى ويأمر وينهى تبارك الله رب العالمين. Donc le cheikh dit ألا له الخلق n'est-ce pas à lui la création? Et la création, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui gère tout. C'est lui qui fait que tout existe. C'est lui qui fait exister les choses, qui crée les choses. Et c'est lui qui, c'est lui qui s'occupe de tout dans sa création. Et Al-Amr, c'est le commandement ou l'ordre. Et qu'est-ce que le cheikh dit? Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est la révélation. Hein, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa révélation. C'est-à-dire que, comme Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'appartient la création, et bien dans ce cas-là, c'est également à lui qu'appartient le fait de commander, d'ordonner et d'interdire et de légiférer. Donc, que soit béni Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. لما قرأ عبد الله بن عمر هذه الآية قال من كان له شيء فليطلبه. عبد الله بن عمر كان يرسيه في verset-là, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, s'il y a quelqu'un à qui quelque chose dans cet univers appartient, qu'il le demande. Qu'il le demande. نعم. Donc ça veut dire qu'en fait tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui appartient à la créature. Le cheikh dit ensuite, وقال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. verset 12 dans sourate An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il a assujetti pour vous la nuit et le jour, le soleil et la lune et les étoiles, elles sont toutes assujetties à son commandement et soumises à son commandement, et il y a certes en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Et donc, comment les étoiles pourraient contrôler la pluie, ou contrôler quoi que ce soit dans l'univers, ou décider, ou créer quoi que ce soit, alors qu'elles sont elles-mêmes soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est donc des versets qui réfutent cette idée, de la part de Mouchtekin, qui attribuait aux étoiles la pluie, ou bien qui attribuait, comme on l'a lu dans le chapitre précédent, le contrôle de certaines choses dans l'univers, et du destin des créatures par les étoiles, l'équipe de l'astrologie. Donc, il mentionne ensuite un autre verset, « وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. » C'est le verset 37 dans surat Fussilat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, et le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni au soleil ni à la lune, mais prosternez-vous à Allah, celui qui les a créés, si c'est réellement lui que vous adorez, ou si c'est lui seul que vous adorez. Donc le cheikh dit ensuite, لا يجوز أن يعتقد في مخلوق من المخلوقات أيا كان شكله وقوته ونوعه أن يعتقد فيه أنه يدبر مع الله سبحانه وتعالى وإنما يدبر بأمر الله فالمدبرات أمره. verset 5 dans سورة النازعات. يعني فالمدبرات أمره يعني الملائكة يدبرون بأمر الله سبحانه وتعالى الله يأمرها وهي تدبر ما أمرها به سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique, il dit, il n'est pas permis pour quiconque de croire qu'une créature parmi les créatures a, peu importe qu'est-ce qu'elle peut être comme créature, peu importe sa forme, peu importe sa force, peu importe la catégorie de créature qu'elle est, il n'est pas permis de croire que cette créature-là contrôle quoi que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle gère uniquement par le commandement, ou si elle contrôle quelque chose, c'est uniquement par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que c'est Allah qui lui ordonne de s'occuper de certaines choses, mais pas d'elle-même, tu comprends? Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate An-Nazi'at, il dit فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا, et celles qui s'occupent de certaines choses, c'est-à-dire les anges qui s'occupent de certaines choses, que Allah leur ordonne de s'occuper de ces choses-là, les anges s'en occupent. Mais, comme le cheikh il l'explique, elles s'occupent de ces choses-là par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah qui leur ordonne, et elles ne font que mettre en application, ou de mettre en, c'est-à-dire, d'exécuter l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de faire, et c'est tout. Donc, ça c'est à ce sujet pour expliquer le titre. Après, le cheikh explique le, comment ça explique le verset. وَتَجْعَلُنَا رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ شيخ الزي وقول وقال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هذه الآية في سياق التي قبلها وهي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون والشاهد في الآية قوله تعالى والشاهد في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقد ذكر العلماء في تفسيرها قولين القول الأول أن المراد بالنجوم الكواكب والمراد بمواقعها طلوعها وغروبها طلوعها من المشرق وغروبها من المغرب لأن هذا من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى والمقسم عليه هو أحقية القرآن Donc le cheikh explique ici, il dit que le cheikh a dit hein, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et « وَتَجْعَلُوا لَرَزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ » Yani, l'explication qu'on a lue dans la traduction tout à l'heure, on disait que c'est écrit « Et est-ce que pour vous, hein, et est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge ?» Ça c'est une explication. Le cheikh il dit que ce verset-là, il a été interprété différemment par les ulama. Bon, alors l'autre explication qui est mentionnée ici, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, c'est-à-dire vous attribuez la pluie aux étoiles. Ça c'est une autre explication. Elle est parce que رِزْقَكُمْ, c'est-à-dire la pluie. La pluie. رِزْقَكُمْ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, c'est-à-dire vous faites de la pluie, hein, une source de dénégation, disons, vous vous basez sur votre risque pour, ou bien vous attribuez la pluie aux étoiles, et donc c'est comme si votre risque que Allah vous donne, vous en faites une source de rejet de la vérité et de takfir, comme si vous reniez la vérité à cause de votre risque, parce que vous refusez de l'attribuer à Allah, vous l'attribuez plutôt à un créateur. Et donc c'est dans ce sens-là que le cheikh il mentionne ce verset-là comme preuve à ce sujet-là pour montrer que on ne doit pas attribuer la pluie aux étoiles. Ça c'est l'explication. Sinon, le cheikh il mentionne le contexte, il dit que avant ce verset, dans Surat Al-Waqi'a, à partir du verset 82 jusqu'à 80, de 75 jusqu'à 82, il y a d'autres versets qui précèdent, qui parlent des étoiles, c'est pour ça. Il dit, par exemple, non, je jure par la position des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. Et c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent, et c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge, et est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Et comme je dis, le cheikh il explique que le passage qui est pris comme référence, comme preuve dans ce chapitre, hein, pourquoi le cheikh a mentionné ce verset-là dans ce chapitre, c'est à cause de la partie qui explique à partir du verset 75 jusqu'au verset 82, comme on l'a dit. Puis il dit que les ulama, ils ont mentionné deux interprétations de ce verset-là. La première parole, ou la première explication, ça dit, القول الأول أن المراد بالنجوم الكواكب والمراد بمواقعها طلوعها وغروبها وطلوعها من المشرق وغروبها من المغرب وهذا من أعظم آيات الله. Donc la première explication c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des étoiles, il parle en réalité des astres, hein, des astres dans le ciel, quand elles se lèvent et quand elles se couchent, quand elles se lèvent à l'Orient et quand elles se couchent en Occident. Et ça fait partie des plus grands signes d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il jure à propos de quoi? Il jure à propos du fait que le Coran est vrai. Hein? Il jure à propos du fait que le Coran est véridique, c'est la vérité. Après, il dit وقوله تعالى أفبهذا الحديث هو القرآن أنتم مدهنون يعني تكذبون بهذا القرآن تقولون إنه من قول محمد أو من قول فلان أو علان وبعد هذا بعد هذا البيان وبعد هذا التوضيح. Donc le cheikh il dit وتجعل أفبهذا الحديث. Est-ce que c'est de cette parole, est-ce que c'est cette parole que vous traitez de mensonge, c'est-à-dire ce Coran que vous traitez de mensonge, vous dites que c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous dites que, c'est-à-dire les mouchriquins, ils disaient c'est la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ils disaient c'est la parole d'un tel ou d'un tel, après que vous ayez entendu cette clarification et cette explication claire, le cheikh dit « وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ » رِزْقَكُمْ أو رِزْقُكُمْ il dit « وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ » il dit يعني المطر أنكم تكذبون فتقولون مطرنا بنوع كذا وكذا فتنسبون المطر إلى الأنواع. Donc le cheikh il dit que ce verset là, et vous faites de votre risque une source de mécréance ou de rejet de la vérité, du fait que vous traitez la vérité de mensonge à cause de la subsistance que vous recevez. Et la subsistance en question c'est quoi? C'est la pluie, parce que toute la subsistance qu'on a sur la terre, eh ben elle pousse parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber la pluie. Après ça fait des légumes. Après les légumes, il y a les animaux qui mangent les légumes, et nous on mange les animaux, et le cycle, et on mange les légumes aussi. Et les plantes, elles se nourrissent par la photosynthèse, elles absorbent la lumière du soleil, donc c'est le cycle écologique, comme vous le savez. Donc c'est pour vous dire que tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais eux, ils attribuent la pluie à quoi? Aux étoiles, au lieu de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une forme d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, puis une forme de kufr aussi. Et le cheikh il dit que ils attribuent la pluie à telle ou telle étoile, ou telle ou telle astre, ou telle ou telle constellation. Al-anwa, le mot al-anwa, jam'u law, wa min ma'a yanu'u, iza nahada. والنوء عبارة عن أحد منازل القمر الثمانية والعشرين وذلك أن العرب تزعم في الجاهلية أن المطر إنما ينزل بسبب طلوع النجم وبعضهم يقول المطر يحصل بسبب غروب النجم الذي يغرب في الفجر والخلاف بينهم يسير. المهم أنهم يضيفون نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، فيظنون أن غروب النجم أو طلوع النجم في الفجر هو الذي يسبب نزول المطر، فيقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، ومطرنا بنوع السريا، وبنوع القلب، وبنوع العوة، وبنوع الغفر، وبنوع الزبانة، إلى آخره. وهكذا تقول العرب في جاهليتها. Le cheikh il explique que le mot anwa c'est le pluriel du mot naw, et le mot naw bien entendu c'est les étoiles ou les degrés ou les phases de la lune, les 28 phases de la lune, c'est ça ce qu'il explique. Et il dit que les Arabes, dans la Jahiliya, avant l'islam, ils croyaient que la pluie tombait lorsque, ou bien à cause du fait que une étoile se levait, et certains disaient on a eu la pluie à cause de, du coucher d'une étoile en particulier. Hein? Donc, c'est ça. Il y en a qui croyaient que c'était à cause du lever d'une étoile, et d'autres croyaient que c'était à cause du coucher d'une étoile, et ça, en fait, entre eux, il y avait une petite, quelques petites divergences à ce sujet-là, mais l'important, c'est qu'ils attribuaient la tombée de la pluie à la montée ou au coucher ou à la descente d'une étoile. Et ils croyaient que le fait qu'une étoile se couche ou qu'une étoile se lève à l'aube, que ça c'était ça qui faisait tomber la pluie. Et ils disaient, on a eu la pluie cette nuit à cause de telle ou telle étoile. On a eu la pluie à cause de l'étoile de Suraya, ou bien à cause de l'étoile de Al-Qalb, ou l'étoile de Awwa. Ils donnaient des noms à ces différentes phases de la Lune, ou bien à ces différentes étoiles, et puis ils attribuaient ça à ces étoiles-là, comme les Arabes disaient dans la Jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le chef dit, « وَقَدْ أَكْذَبَهُمُ اللَّهُ فَقَالَ تَعَالَى وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أي المطر أنكم تكذبون فتنسبونه إلى الطالع أو الغارب من النجوم وهذا كذب لأن الذي ينزل المطر أو ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى وليس طلوع النجم أو غروبه فيكذبون على الله فيكذبون على الله سبحانه وتعالى وينكرون نعمة الله ويجحدونها وكان الواجب عليهم أن يشكروا نعمة الله وأن يضيفوا النعمة إلى الله ولكنهم أضافوها إلى غيره وقالوا مطرنا بالنوء الفلاني فأنكر الله عليهم قولهم مطرنا بالنوء كذا وكذا وسماه الله كذبا وهو كذب في الاعتقاد وأشد الكذب من الكذب في الاعتقاد وأشد الكذب هو الكذب في الاعتقاد قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين فالذي يكذب على الله وينسب نعمه لغيره وينسب المطر إلى مخلوق من خلقه فقد كذب على الله أعظم الكذب بدل أن يشكر الله يكذب